Voici Guillermo Gouy. Bonjour les amis. Ça va Guillermo? Salut. Oui, moi, ma foi. Quoi? Ça va. Bon, vous me demandez, je vous réponds. Non, tu dis ma foi sur un ton genre non. Non, si. Pas du tout, ça va très bien. On peut se dire les choses? Tout. Non. C'est pas un truc de ouf, ce prix Nobel de physique sur la découverte des ondes gravitationnelles qui déforment l'espace-temps en cas de choc majeur de type fusion de trous noirs. Rien à branler. On vient de passer de 1 800 000 auditeurs à 37. La chute d'audience la plus vertigineuse de l'histoire de la radiophonie. Là, je vois dans les yeux de Nagui, c'est putain, déjà que dans le studio, le public fait un effort pour rester éveillé. Si en plus l'autre bouffeur de moules, là, il vient avec des sujets qui donnent envie de crever dans une partie de pêche, j'en connais un qui va gicler de l'équipe avant le passage à l'heure d'hiver. Alors déjà, Nagui, je trouve que vous sous-estimez quand même vachement le potentiel comique d'une matière comme la physique. Il y a un sketch formidable de Tex sur la fonction de la partition et les enjeux de la thermodynamique. C'est pas sur YouTube, c'est un peu compliqué à trouver, il faut connaître les bonnes personnes à l'INA. Mais bon, tu vois ça, tu dis c'est malin et c'est jamais méchant. Bien joué Tex. Alors par delà, je vois bien que ce billet est voué à l'échec, parce que je parle pas du PSG et Daniel Hidalgo, mais ce prix Nobel de physique... Daniel Hidalgo, c'est le frère caché d'Annie Hidalgo. Mais bon, celui qui articule. Et Michel. Il est sous. Mais bon, ce prix Nobel de physique, il est quand même lié à une découverte majeure sur l'espace-temps, quoi. Enfin, je veux dire, l'espace-temps. Oui. Vous n'avez pas l'impression qu'on passe à côté genre, de quelque chose d'un peu important? Je sais qu'il y a d'autres choses importantes qu'on peut apparemment dire oui. T'es tombé dans une faille toi, spatio-temporelle. Je sais qu'il y a d'autres choses importantes qu'on peut dire oui, The Void Kids finalement, est-ce que c'était pas une fausse bonne idée? Et il faut l'avoir ce débat, hein, surtout les producteurs de l'émission. Mais bon, l'espace-temps quoi, c'est vrai. Je sais pas si vous voyez un peu ce que c'est, mais c'est pas vraiment un truc de niche quoi, l'espace-temps. C'est pas un truc que tu utilises deux fois par an pour allumer un barbecue ou euthanaser un chien quoi. C'est quand même fondamental. Et pourtant, non seulement tout le monde s'en branle, moufle en main, mais en plus, il y a personne qui en touche une sur le sujet dans un rayon de 100 km autour de cette table quoi. On a commencé par moi, hier j'ai essayé de comprendre cette histoire d'onde gravitationnelle et tu sentais qu'intellectuellement j'étais au bord de l'accident vasculaire. Non, mon cerveau m'a fait mec, tu vas sans moi sur ce que je veux bien t'aider pour tout ce que tu veux, un bouquin d'Onfray, une chronique de Daniel Morin, mais là j'ai pas les épaules quoi. La relativité c'est pas ma guerre quoi. Sérieux, Einstein quoi. C'était pas le dernier pour se taper sa cousine si on veut aller deux secondes sur le terrain des gossips, mais j'ai ce qu'il avait anticipé, c'est crucial quoi. Il faut des vrais pédagogues pour te donner l'envie d'aller vers la physique. Moi ma prof de physique, enfin comment vous la décrire au niveau de son austérité, à côté Martine Aubry, c'est Chantal Latsou quoi. Vraiment. J'ai vérifié, la pauvre, elle est morte de sécheresse. Vraiment l'école s'en servait pour éloigner les pigeons, quoi, vraiment. Et elle m'a bien dégoûté à vie de la physique en me gavant d'équations et de théories, alors que c'est une matière qui est propice à la pédagogie. Parfois, elle est là et ça me fait de la peine de vous réveiller. Mais genre, la physique, c'est le réel, quoi. Dans Libération d'hier, par exemple, juste au-dessus de l'article sur le prix Nobel et tout, l'espace-temps, tout ça, enfin, les chiens écrasés, quoi. Il y avait un entrefilet sur un fait divers en Inde où trois jeunes sont morts. C'est pas drôle. En essayant de faire c'est un selfie. C'est pas drôle, mais ça te fait rire. En essayant de faire un selfie sur les rails. De train. Non. Eh bien, cet accident, si t'es un peu pédagogue, tu peux parfaitement l'expliquer par le biais de la physique. Dans le sens où il y a une loi physique qui dit que tout corps de 210 tonnes propulsé à 110 km/h contre un petit indien de 65 kg ne se voit opposer qu'une résistance symbolique en provoquant d'abord ecchymose et ensuite l'évaporation complète du petit indien en question. Et alors là, t'intéresses évidemment les élèves, quoi, évidemment. Ceci dit, pour le coup, cet accident, tu peux l'expliquer aussi par le biais de la psychologie sociale. Il y a une loi psychologique qui dit que quand t'arrives à un stade où t'es vraiment trop con, l'univers te dit bon, ben voilà, je t'ai laissé une chance, maintenant il faut laisser la place aux plus adaptés que toi. Et c'était pareil pour le cours de chimie, quoi. On te fait apprendre par cœur le tableau de Mendeleïev en chimie. Enfin, je veux dire, savoir que K symbolise le potassium, je veux dire, ça ne sera jamais la star de ton réveillon. Avec cette info, quoi. Moi, j'ai dragué une fois une meuf en lui parlant des propriétés du cobalt. Heureusement qu'elle était vraiment saoule, quoi. Sinon, je serais jamais resté 7 ans avec elle, quoi. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut essayer d'intéresser un peu les gamins à des choses vraiment importantes en étant un peu didactique. Enfin, s'il y a encore quelqu'un qui m'écoute, ce dont je suis pas sûr. Merci d'avoir écouté. Il est au point, virgule. Guillermo Gouy. France Inter. Nagui. La bande originale. Et t'as été très bien hier chez Yann Barthès en quotidien. Bravo. Merci, c'est bien gentil.